I'm going to show you some objects, then you can tell me what they're called. Je vous montre des objets, vous allez me dire comment ça s'appelle. Je vous montre des objets, vous allez me dire comment ça s'appelle. The key. C'est la clé. C'est la clé. The glass. C'est le verre. C'est le verre. The watch. C'est la montre. C'est la montre. The glasses. Ce sont les lunettes. Ce sont les lunettes. The telephone. C'est le téléphone. C'est le téléphone. The comb. C'est un peigne. C'est un peigne. The scissors. Ce sont les ciseaux. Ce sont les ciseaux. The razor. C'est un rasoir. C'est un rasoir. The envelope. C'est une enveloppe. C'est une enveloppe. The pencil. C'est le crayon. C'est le crayon.